Alors, je pense qu'on a bien défriché. C'est vrai qu'on a passé le temps, mais je pense que c'était intéressant sur cette définition du jeu de rôle tradit. Et l'idée maintenant, c'est que bon, on va voir tout ce qui n'en est pas. Et surtout, l'idée, c'est de voir comment on peut hybrider notre jeu de rôle tradit avec les pratiques marginales pour, bah, voilà, pour faire de l'innovation douce, pour transformer, pour améliorer nos parties de jeu de rôle tradit, mais en continuant à faire du tradit, quoi. Donc là, c'est un assez long inventaire, hein, je ne vais pas le cacher, de pratiques, de jeux qui soient à la fois des choses qu'on peut encore qualifier de jeux de rôle. Enfin, après, ça va dépendre des limites de chacun. Il y en a pour qui, à mon avis, tout ce que je vais lister, rien ne rentre dans le jeu de rôle. Il y en a. Moi, j'ai tendance à. En fait, tout ce que je vais vous lister, j'ai une nette tendance à s'immiscer au jeu de rôle parce que j'ai vraiment une définition très large du jeu de rôle. Donc, alors la liste, elle commence par. On a parlé des jeux indés, hein, c'est-à-dire les jeux de rôle forgéens et post-forgéens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? C'est grosso modo les jeux de rôle dont le game design est influencé par les techniques pour les jeux forgés, hein, c'est les jeux dont le game design est influencé par les discussions sur le forum rôliste de Forge, un hein, forum américain des années 2000. Et les jeux post-forgéens, je dirais que c'est plutôt les jeux qui s'inspirent non pas de la Forge, mais des jeux qui ont été issus de la Forge. C'est une sorte de deuxième génération, quoi. Alors, c'est très varié hein, comme scène, mais je pense qu'on peut, bah, surtout si on va dans le post-forgéen, hein, parce que là, bon, les jeux de rôle forgéens, par exemple, c'est que des jeux américains, quoi. La première génération, c'est que des gens qui lisaient la Forge dans le texte, donc c'est des jeux américains. Les jeux post-forgéens, c'est le monde entier. Notamment, bon, tu vois les jeux qui sont issus du forum Les Ateliers Imaginaires. Bon, on peut assez aisément les classer comme post-forgéens. Et c'est des jeux français. Alors, je vais essayer de dresser un petit peu les points communs qu'ils pourraient avoir, malgré leur diversité. C'est souvent des jeux intenses, c'est-à-dire qu'ils sont concentrés sur une thématique particulière. C'est souvent des jeux à one-shot ou à campagne courte. C'est des jeux soit sans MJ, soit avec plusieurs MJ, soit MJ tournant. Enfin, grosso modo, assez souvent, on se débarrasse du MJ unique. Ou alors, il y a des responsabilités de narration originale, c'est-à-dire que on a plus ce MJ qui contrôle décor et figurant la plupart du temps, et puis joueuse qui contrôle un personnage la plupart du temps. Ça, c'est remis en question, quoi. Donc, avec des joueuses qui vont pouvoir dire des trucs sur le décor et les figurants, mais aussi, pourquoi pas, le MJ qui va pouvoir dire des trucs assez impliquants sur les personnages. Par exemple, les questions orientées dans Apocalypse World. Comment ça se fait que comment l'autre personnage, il a tué ta mère et pourtant tu lui fais toujours confiance. Comment ça se fait? Et ben là, le MJ vient de prendre un contrôle énorme sur les deux personnages, on est d'accord. Et donc ça, voilà. Parce qu'on a tendance à dire les jeux forgéens, c'est les jeux qui donnent le pouvoir aux joueuses. Ouais, pas toujours en fait. Des Disons que c'est fois, quand ça même va donner plus de pouvoir au MJ sur certains aspects. à la base, c'est quand même, on va dire, une remise en cause, on va dire, du parti de la narration. Donc Voilà, quand c'est même. ça. On partage différemment, quoi. Alors, il y a une grosse scène à l'intérieur de la scène forgienne, c'est les jeux propulsés par l'Apocalypse. Donc, tous les jeux qui s'inspirent du jeu Apocalypse World. Parce que ça, c'est vraiment une scène à part entière, quoi. Une scène dans la scène. Autre sous-scène du jeu forgien, c'est les jeux, ce que j'appelle les jeux en mode auteur. Les jeux en mode auteur, c'est des jeux qui mettent tellement l'accent sur la production d'un récit qu'en fait ils forcent vraiment un récit type. Par exemple, dans Perfect de Avery Alder, tu joues un déviant en fait dans une espèce de dictature victorienne. Donc tu joues un déviant qui est censé commettre un crime, le crime qu'il est. Bon, par exemple, c'est mon crime, c'est faire des graffitis, ou mon crime, c'est aimer les personnes du même sexe, enfin, ce que tu veux, quoi. Tu es censé commettre un crime, la police de la pensée t'arrête, te soumet à la question, finit par te relâcher, tu commets un nouveau crime, elle un peu plus important, la police t'arrête, te retorture de façon encore plus grave et tout. Puis à la fin, on va savoir si soit tu meurs, soit entre guillemets, tu abandonnes ta déviance. Bah là, tu vois, c'est le récit, il est très très contraint en fait. Oui, donc c'est pas un jeu, enfin c'est un jeu en mode auteur, c'est plutôt ce que j'appelle un. Ouais, c'est un jeu où en tout cas t'as la destinée des personnages, elle est programmée, enfin l'histoire est programmée, quoi. Au moins en grande partie, quoi. Et en fait, on va juste jouer les nuances de ça. Voilà. On sait dès le départ, on va dire, quel va être le thème de la partie et quels vont être les enjeux. Ouais. Alors, les jeux en mode auteur, c'est les jeux qui vont te donner. Alors, enfin, comment dire? Là, je l'avais. Quand j'ai préparé, ça me paraissait clair, mais en fait, les limites sont vachement floues. Les jeux en mode auteur, c'est les jeux qui te demandent de sortir de ton personnage et d'inventer des trucs au-delà de ton personnage. Alors, ça peut être que tu parles du décor et des figurants, mais tu peux rester dans ton personnage, mais en fait, mais devoir suivre des scripts. Hein. Ou en tout cas, par exemple, dans Monostatos, en fait, en réalité, tu n'as qu'un petit nombre de moves à ta disposition. Parce que grosso modo, c'est des. Et donc, ouais, c'est ça, des actions qui te rapportent des bonus, mais bon, si tu sens bonus, tu peux absolument rien faire, quoi. Donc, tu dois décrire comment tu te rebelles contre l'autorité, ou alors comment tu fais quelque chose de beau, et ainsi de suite. Et en fait, du coup, tu dis, tu vas sélectionner le move pour avoir un bonus, et tu vas raconter ce que tu fais, enfin, expliquer c'est quoi le move. Du genre, bah, parce que bon, tu sais que tu as un bonus si tu te rebelles contre l'autorité, mais du coup, après, il faut que tu racontes comment tu te rebelles. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'il y a un retournement complet dans la chaîne de décision. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle tradit, comment dire, tu décides que tu fais telle action et le MJ te dit en termes de technique qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est possible, pas possible, quelles compétences tu peux utiliser, ainsi de suite. Dans ce type de jeu-là, comme Monostatos, en fait, tu vas chercher un bonus, et pour chercher ce bonus, tu sais que tu vas devoir faire tel type d'action. Tu vois, en fait, du coup, c'est vraiment plus le personnage qui choisit de faire une action, c'est vraiment la joueuse pour avoir tel bonus. Tu me suis un peu là sur cette idée Oui, de mode auteur? complètement. Alors j'avais noté les jeux à contrainte. Bah, par exemple dans Inforenza, quand tu comment à chaque fois que tu fais progresser ton personnage dans l'histoire, il y a un thème qui sort, quoi, et ce qui arrive à ton, par exemple si ton personnage est blessé, il y a une thématique sur la blessure. Ah bah tiens, j'ai une blessure dans le combat, j'ai une blessure d'amour, et faut que t'expliques c'est quoi cette blessure d'amour. En fait, t'as des contraintes créatives à respecter. Un crayon, une gomme, les dés du destin, une feuille de papier sur laquelle tracer la progression de l'histoire, regardez-les lire et jouer. Donc c'est marrant parce que d'un côté, en fait, c'est des jeux qui donnent plus de pouvoir de narration aux joueuses, notamment parce qu'elles sont amenées à décrire la réussite ou l'échec de leur action, alors qu'en tradit, on jette les dés, ça réussit, ça échoue. Dans les deux cas, c'est le MJ qui raconte c'est quoi exactement la réussite, c'est quoi exactement l'échec. C'est un peu la définition même de la poésie, quoi. C'est la contrainte de forme, mais le Ouais. fond t'appartient. Tandis que là, en fait, là, la joueuse est plus libre. C'est elle qui décrit comment elle réussit ou qu'elle échoue, voire même elle peut décider sans jeter les dés si elle réussit ou si elle échoue. Mais on lui donne une contrainte thématique. Faut que ton personnage reste flamboyant, ou il faut que tu tires un thème au dé, et ainsi de suite, quoi. Alors, donc. Là, il faut que je m'impose, il faut qu'on s'impose l'exercice de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer des jeux de rôle forgéens et post-forgéens dans le jeu de rôle tradit. Bon, déjà, il y a un jeu qui est particulier, c'est Apocalypse World, où en fait, il fait déjà cette démarche. Je pense que Apocalypse World, en fait, il a pris le jeu de rôle traditionnel et il lui a aggloméré plein de petites techniques de jeu forgéen de son époque. Mais au final, Apocalypse World, c'est vraiment un jeu qui a la saveur traditionnelle, en fait. Ah, ça, c'est sûr, c'est pas le plus, on va dire, forgien de tous les. Enfin, à la limite, et voilà, il est un pont en fait entre le jeu de rôle traditionnel et Ouais, c'est un moderne. pont, ouais. Donc, lui, c'est un bon cas d'école pour notre podcast, en fait. Mais pour autant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment non traditionnelles dans Apocalypse World. Bah, la fameuse question, comment? La fameuse question à que je t'ai, la fameuse question au MJ notamment, c'est vraiment un truc qui brise complètement le partage des responsabilités habituelles. Parce que le MJ va dire un truc sur les personnages, mais aussi les joueuses vont être amenées souvent à dire des trucs sur les figurants. Par exemple, ce type t'attaque avec une hache, comment ça se fait qu'il t'en veut? C'est Donc vrai là, que ça. bah, tu vas dire, c'est parce que j'ai tué sa maman, tout ça, machin. Donc tu vas carrément influer sur le passé, enfin sur le background. Dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, il y a le world building. Enfin, après, ce qui paraît, le world building, c'est un peu une spécificité française, en fait. C'est plus une pratique et en fait, dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est pas tant que ça, en fait. Comment je veux dire? C'est-à-dire qu'en France, en fait, il y a Sildo Infine, je crois que je mette. Il faudrait que je retrouve ça, mais il y a Sildo Infine qui a fait un article assez intéressant là-dessus, qui dit qu'en fait, les Français, ils jouent pas aux jeux propulsés par Apocalypse comme tout le monde. France et PPTA. Par exemple, en fait, les Français, quand ils commencent un jeu propulsé par Apocalypse, il y a vraiment une séance zéro où on fait la création de l'univers avec tout le groupe. Et en fait, ça, c'est pas dans les bouquins. Enfin, pas autant, en fait. Ah, moi, je l'ai toujours vu quand même assez présent, donc il y avait pas de. Ça m'avait pas en tout cas, mais le voilà, le world building, c'est vrai que c'est très. On va dire, c'est la question qu'il a plus traitée. On nous dit en fait, faites-le, mais on nous dit pas forcément tout sur la manière de le faire. C'est plus Ouais, ça. voilà, ouais. Et C'est enfin, moi laisser, j'ai on va dire, tendance à dire que comment liberté est tellement énorme. la quantité de signes dévolus à une règle dans un jeu, ça en dit long sur les priorités de l'auteur, quoi. Donc j'ai le sentiment que le world building c'est assez secondaire en fait dans les bouquins et que c'est devenu très important dans les pratiques en tout cas en France. Voilà. Alors, il y a plein de petits trucs qu'on peut récupérer hein, des jeux forgéens. Et surtout Oltré le le fait beaucoup aussi. Hein, où Oltré va, tu tires des cartes de péripéties, de prouesses et compagnie. Et en fait, c'est les joueuses qui expliquent c'est quoi la péripétie, quoi. voilà. De même, le jeu à contrainte. Moi, je sais que par exemple, j'ai testé des parties d'Inflorenza où j'enlevais. Non, d'habitude, dans Inflorenza, normalement, les joueuses ont quand même un gros pouvoir narratif. Notamment, elles peuvent décrire la réussite et l'échec et les conséquences et les retombées sur leur personnage. Et c'est ces retombées justement où il y a un tirage de thème. Et moi, j'ai testé des parties où j'ai joué à Inflorenza en mode tradit. Mais en fait, pour les retombées, je tirais quand même les thèmes. Dire, ah bah tiens, il y a eu un combat, bah ton personnage il a une blessure, attends, je tire le thème. Blessure de chair, ah ouais, bah écoute, il a le ventre à moitié ouvert, quoi. Si j'avais tiré une blessure en nature, ça aurait été différent, quoi. On parlait justement d'Apocalypse World, et c'est vrai que les principes du MJ qui sont décrits justement dans le fonctionnement de la manière dont le MC, puisqu'il s'appelle MC dans Apocalypse World, doit agir. Donc c'est des principes, c'est voilà, des descriptions. En plus, c'est toujours rédigé sous la forme, on va dire, enfin, on va dire comme s'il parlait un putain, mais bon, ça c'est un peu le style de Vincent Baker. Voilà, c'est. fais ça, fais ci, fais-le comme ça, fais des plans, fais des descriptions, aime comment dire les personnages de tes joueurs, etc. Et c'est des principes qui sont très facilement réapplicables. Hein. Oui, et en fait, en plus de ça, si tu veux, la grosse innovation avec les principes, je trouve, c'est que avant, il y avait déjà les conseils aux MJ. C'est pas Apocalypse Earth qui l'invente, on est d'accord. Non, il les a pas inventés, mais par contre, là, on sent quand même. Il les systématise voilà. Dans le sens où, quand tu lis les conseils, par exemple, de l'appel de Cthulhu, t'as l'impression que t'es invité à faire ton marché dans les conseils. Tandis que Apocalypse Sword, il les systématise dans le sens où t'as vraiment le sentiment qu'il faut jouer tous les principes. À la lettre. Bon. Que c'est des règles aussi solides que le type de dé qu'on lance, quoi. Et à la lettre, effectivement. Et aussi, il te dit quand tu dois appliquer ces principes. Là, c'est le principe du système d'osmateur. Des moves de MJ, quoi. Quoi qu'il arrive, ces actions-là font partie du jeu et on doit les appliquer comme on ferait justement un jeu de plateau. Quoi, parce que tu n'imagines pas dans un jeu de plateau. Ce qu'on peut importer dans le jeu de rôle traditionnel. Tout comme ce qu'on peut importer, et ça je le vois quand même beaucoup, c'est le principe du le livre est au-dessus du MJ. Quoi. Le MJ il n'est pas là pour arbitrer ou faire du house ruling. Dans les jeux forgiens, c'est même encore pire que ça, c'est pas le livre qui est au-dessus du MJ, c'est l'auteur qui est au-dessus du MJ. L'auteur, ouais. Il a un propos, l'auteur, il a vraiment une manière de voir les choses, une manière de. Et il l'impose et il dit voilà, si vous voulez jouer à mon jeu, il faut y jouer comme ça. Et si tu vois, ça, c'est quelque chose qui est revendiqué, par exemple, tu vois Sombre, c'est un jeu, Johan, il le revendique comme étant classique. Il dit souvent tradit chez tradit, quoi. Mais c'est un jeu d'auteur. Dans le sens où, effectivement, son propos en tant qu'auteur, il a vraiment de l'importance, quoi. Donc ça, c'est effectivement, c'est des choses qui commencent à percoler en fait du jeu forgien vers le jeu tradit. D'une certaine manière, c'est quand même un bon outil d'initiation pour un MJ débutant. Suivre des principes comme ceux, alors on pourra dire, Apocalypse Earth n'est pas le jeu le plus simple, hein, mais c'est un jeu quand même si on le prend, on va dire au niveau à la base, au niveau zéro, au degré zéro. Un jeu qui, l'initiation, que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur, est quand même très clair dans ses. Ouais, et donc ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on peut recopier vers le jeu de rôle tradit, c'est l'idée d'écrire un jeu de rôle et de tout expliquer. Voilà. On laisse pas de blanc, en fait. On part du principe que la personne qui va lire le bouquin, soit elle ne connaît rien au jeu de rôle, ou soit, de toute façon, elle connaît le jeu de rôle dans sa globalité, mais c'est notre jeu de rôle qu'on va lui apprendre. Et donc, du coup, on explique tout. C'est-à-dire, on reprend les bases, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réexplique comment ça se fait, comment on décrit un personnage, comment on cadre une scène et tout. On décrit tout, même les essentiels. Voilà. Et justement, tiens, c'est un élément justement sur lequel on n'avait pas insisté dans notre définition, comme quoi on en a oublié un. Hein, le fait que le jeu de rôle traditionnel ne se définit pas lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'écrit lui-même dans ses propres livres de règles. Ouais, tout à fait. Je considère que techniquement vous y avez déjà joué ou vous savez déjà ce que c'est et donc voilà, moi je vous propose des règles pour le définir dans ma conception du jeu, dans mon univers et dans ma manière de faire, mais il ne définit pas ce qu'il est, on va dire, et comment on y joue. Et ce genre de mouvement, c'est quand même beaucoup plus tardif. Maintenant, systématiquement, il y a une page d'explication dans tous les livres qui sortent sur ce que c'est que le jeu de rôle et que, voilà, pour trouver comment. Alors, dire. Les autres choses qu'on peut récupérer aussi, c'est l'étroitesse du focus. Hein, aussi le fait que le contrat social soit posé en fait à l'avance. Alors ça, c'est pas tout le jeu forgé qui propose, hein, c'est certains jeux, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être importé vers une pratique tradie, c'est-à-dire que avant de commencer la partie, on se met d'accord vraiment à la table sur quel type d'expérience on veut, est-ce qu'on a des tabous, et ainsi de suite, quoi. Voilà, et donc là, il y a déjà un tropos qui est déjà défini, comme on disait. Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça, un tropos, ou ça peut être un contrat social au niveau du gameplay aussi, hein. Oui. Genre dire « je sauverai pas vos personnages » ou « je jetterai tous mes dés devant l'écran », quoi. À force d'auditions et de recoupements, les policiers ont appris qu'il existe depuis 4 à 5 ans un jeu bizarre pratiqué par les jeunes lycéens. Ce jeu consiste à attribuer un rôle à chacun des participants dans un scénario imaginaire. Nous avons retrouvé deux jeunes lycéens qui, il y a 2 ans, ont participé à ce jeu de rôle. Ouais, le truc, tu vois, par exemple, Sombre abolit l'écran. Il abolit l'écran et notamment tous les jets de dés, en fait, tous les jets de dés du MJ. Enfin, le MJ, en fait, il doit montrer sa... il doit montrer la carte de PNJ, c'est-à-dire qu'on connaît les stats du PNJ. Bon, il y a certains traits, on ne connaît pas le détail, mais au moins on sait son niveau, quoi. Et puis, il jette tous les dés devant les joueurs, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sauver son monstre. Et ben ça, c'est quelque part, c'est assez forgé, en fait, comme pratique. Le fait, le jeu ouvert, quoi. Sachant qu'il y a des jeux de rôle quand même traditionnels où il n'y avait pas d'écran, hein. Des exemples qui me viennent en tête, il y a Feng Shui, qui est un jeu justement tellement porté sur l'action qu'il n'y avait pas d'écran, comment dire, en version originale. Ils en ont fait un que pour la version française. Okay. Par exemple. Mais là, c'était pour émuler, on va dire, le genre, comment dire, du cinéma d'action hongkongais, fantastique, etc. Donc, voilà, l'écran, c'était visiblement quelque chose qui n'était pas adapté au mode de jeu. Au genre lui-même. Mmh, mmh. Ouais, d'ailleurs, on aurait pu mettre l'écran dans les composantes du jeu de rôle traduit. C'est vrai. L'écran et le positionnement, c'est un article intéressant qui se pose la question de comment on doit placer les joueurs à la table. Mmh. Et en fait, l'écran et le MJ placés en bout de table. Voilà. Et le MJ, ça, c'est la tradition aussi. Son attitude dans la partie, quoi, le jeu de rôle traduit, c'est plutôt le MJ tranquille dans son fauteuil. Ouais, ouais, si possible, hein, si possible, faut qu'il ait un fauteuil plus confortable et imposant. Voilà. Bah, du coup, on a vraiment, il y a un petit côté rapport de force aussi, hein, mais c'est un rapport de force consenti où en fait, ça fait partie de l'ambiance d'avoir ce MJ, tu vois, un petit peu impressionnant, quoi. C'est un rapport de force dont on n'est pas dupe en réalité. Là où c'est pour l'ambiance, tu vois. En fait, les joueurs font exprès, parce qu'en plus, le MJ a toujours raison. J'ai toujours plus entendu ça de la voix de joueuse que de MJ. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de comédie de l'autorité qui est faite pour se mettre dans l'ambiance. Ah, c'est le maître du donjon, tu vois. Il arrive environné d'un voile de brume dans une musique sinistre, avec son écran gothique, il est vêtu d'une cape rouge. Voilà, c'est le MJ, quoi. Là où, à l'opposé, on a, bah, par exemple, les jeux récents de Batro Noban, ouais. Où là, le MJ, lui, voilà, il conseille sur certains de ses jeux de mettre un masque, comment dire, de porc, qu'il ait un mégaphone, que ses joueurs jouent debout. Ouais, il joue debout et lui, il est au milieu, je crois. Voilà. Un petit peu comme un... Oui, il monte sur une chaise ou sur une table avec un mégaphone. Ouais. Il hurle dessus. Enfin, voilà, on a eu un positionnement du MJ qui est quand même... Je pense jamais que je dirais à mes joueurs, mais non, vous restez debout. Hein, c'est un truc que je pourrais pas faire, quoi. Ne serait-ce que c'est, moi, c'est une règle de bienséance, quoi, d'une certaine manière. Alors là, je suis trop traditionnel, justement. Non, mais tu vois, je pense que le truc de Batros, ça fait partie de cette comédie, en fait, de l'autorité. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le MJ joue un rôle de chef, en fait. Ça fait pas, c'est pour l'ambiance, c'est pas. Enfin, oui. Après, on est d'accord qu'il peut y avoir carrément des dynamiques carrément du spectacle. À partir de ça. Mais au départ, c'est pas ça, en fait. C'est un jeu de rôle dans le jeu de rôle, je pense. Alors, je vais passer à un autre une autre famille de jeux, alors qui est assez proche hein, quand même, mais différente. C'est les jeux à système léger. Qu'on a longtemps appelé freeform hein, ou structure de freeform. L'American freeform. L'American freeform, c'est différent. Ah, c'est encore différent. Je vais te dire en quoi. Le structure freeform, en fait, c'est vraiment du jeu de rôle sur table. Mais il y a très peu de règles. Hein. Très peu de règles, très peu de chiffres, très peu de hasard. Et là, j'ai retrouvé un article, je vais le mettre. Et apparemment, la scène australienne faisait beaucoup ça. C'est-à-dire qu'ils ne jouaient pas avec des... les Australiens, apparemment, il y avait une grosse vague où ils ne jouaient pas avec les manuels. C'était que des jeux maison et avec très peu de règles. Du genre, alors je ne sais pas c'était quoi les règles, mais ça, j'imagine que ça pouvait être du genre la charte angoumoise, quoi. La charte en Gouma, c'est le joueur fait faire quelque chose, le MJ définit une difficulté au pif entre 1 et 10 et il fait jeter un dé 10, quoi. Enfin, n'importe quel dé d'ailleurs, hein. Mais tu vois, c'est il y a très très peu de règles où comment tu peux, ça peut être une résolution, un jeu comme Theatrix par exemple. Dans Theatrix, les personnages sont définis par des capacités chiffrées. Et en fait, quand il y a quand il doit y avoir un jet de compétences, en fait, on jette pas les dés. C'est le MJ qui décide si le personnage rate ou réussit. Et il a le droit de dire que le personnage rate, même s'il a un score très élevé dans sa compétence. Mais dans ces cas-là, il doit expliquer pourquoi le personnage rate, malgré qu'il soit très compétent. Donc, par exemple, t'as 9 sur 10 en chirurgie, et je te demande de faire de la chirurgie. Tu veux faire de la chirurgie sur un patient, et en fait, je vais dire, bah non, t'arrives pas à le sauver. C'est parce que j'estime que je remets jamais en question le fait que tu sois un super chirurgien, mais je le fais pour l'histoire. Je dis ouais, mais là vraiment t'es tombé sur un cas extrêmement compliqué. Peut-être que tu viens de découvrir une nouvelle maladie. Tu vois, c'est le patient zéro d'une épidémie ultra bizarre. Ou alors parce que c'est dramatique, genre parce que le patient c'est ta fille, c'est trop dramatique que le super chirurgien n'arrive pas à sauver sa fille, et ainsi de suite, quoi. Ça, c'est des jeux. Moi, j'ai créé un jeu qui est vraiment cette mouvance, c'est Inforenza Minima. Dans Inforenza Minima, ton personnage se définit par son objectif et deux symboles, c'est-à-dire c'est des mots-clés qui le caractérisent, surtout qui caractérisent le type d'histoire qui peut lui arriver. Donc, par exemple, si tes symboles, c'est le combat et rouge, eh ben, le combat, c'est un personnage qui va sans doute souvent se battre ou qui va souvent être amené dans une situation de combat. Et rouge, ça veut dire qu'il est habillé en rouge, mais surtout que le MJ, dans sa description autour du personnage, il va tout le temps amener la couleur rouge. Et après, quand on joue, quand ton personnage veut réussir quelque chose, le MJ dit oui, ça réussit à condition que tu sacrifies telle chose, ou que tu perdes telle chose. Donc tu vois, c'est une résolution qui est entièrement narrative. Il n'y a aucun chiffre, aucun hasard qui intervient, quoi. Donc dans les jeux légers, on a aussi les jeux Alors l'American Freeform dont tu me parlais, en fait c'est il y a le côté freeform dans le sens où il y a très peu de règles, mais c'est en fait c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le semi-réel, hein. C'est-à-dire que c'est un mélange de jeux légers et de GN. D'accord. Tu vois que c'est ça. Alors moi j'arrête de dire freeform parce qu'en fait il y a trop de confusion avec l'American Freeform. Justement, ouais, c'est pour ça. Moi, je pensais vraiment que c'était ça quand on parlait de justement freeform. Non. Pour se rapprocher du freeform, il y a ce que Brand appelle le système zéro, tu vois. C'est-à-dire le système minimal pour pouvoir. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, tu as tous les qui peuvent rentrer dans la lignée des jeux à système léger, il y a les jeux à trait, quoi. Type le fou, un petit peu Fate aussi. Dans Inforenza, il n'y a que des traits. Il n'y a pas de caractéristiques ni de compétences. Mmh. C'est-à-dire que, du coup, c'est une description du personnage qui peut rester chiffrée, encore que dans Inforenza, les traits n'ont pas de chiffres, mais qui est assez, assez libre, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, là, les joueurs vont pouvoir inventer le contenu de leurs traits, quoi. Sombre est un système léger aussi, hein, d'une certaine manière. C'est... Sombre est un système léger dans le fait qu'il se contente de techniquer, uniquement le combat, quoi. Il n'y a pas de compétences. Il y en avait au départ, au début de son développement, puis il s'est rendu compte que ça alourdissait le jeu et donc il les a dégagés. Dans les systèmes légers, on a ce qu'on appelle les On a la résolution par conflit, c'est-à-dire qu'on arrête de résoudre les actions, les combats ou les, enfin, on arrête de résoudre les choses action par action. On résout une scène dans sa globalité, quoi. Ouais, un combat, on va le gérer en un seul jet de dés, quoi. Ou éventuellement un jet de dés pour chaque protagoniste, mais pas plus, quoi. Bon, bah, les nanogames aussi, hein, je pense, rentrent un petit peu dans cette lignée, quoi. C'est-à-dire que forcément, ils vont proposer très peu de techniques, hein, ne serait-ce que parce qu'ils sont limités par leur taille. Donc, qu'est-ce qu'on peut réutiliser ça dans le jeu de rôle tradit? Bah, je pense par exemple qu'on peut faire de la résolution par. Les jeux de rôle tradis par défaut, c'est de la résolution par tâche. C'est-à-dire que si tu joues un combat, tu vas découper en rounds et chacun va faire son action et tout, voire même plusieurs actions par round. C'est très détaillé et très granuleux, quoi. L'aléatoire intervient quasiment à chaque geste. Même si la résolution, par exemple, de tâches, on va dire de manière plus globale, et ça existe malgré tout, c'est ce qu'on appelle les jets, comment dire, étendus, où là, on va résoudre une action qui prend quand même beaucoup de temps avec un seul jet de dés malgré tout. Ouais, voilà. Mais on pourrait aller plus loin en fait, hein. Se dire ah bah comment vous pourchassez les gobelins? Bon bah ok, vous faites tous un jet pour toucher. Et puis si on a au moins les trois quarts qui ont réussi leur jet, bah, vous avez rattrapé les gobelins. Ouais, ça, il y a déjà des systèmes qui utilisent ce genre de, voilà, un principe, comment dire, de réussite pour dire l'action est réussie par l'ensemble du groupe. Une action plus d'une qui a plus que la durée juste d'un round, quoi. Plus d'une Ouais, scène ou d'un. ou alors on peut, quand tu dis Ça par peut l'ensemble du groupe, être ça peut être intéressant. Tu vois, par exemple, il y a cinq personnages qui font une infiltration. En tradis, en fait, il y aurait cinq jets de discrétion à faire. Et ben là, tu peux dire, bon, on va dire, alors ça dépend des écoles. Il y en a qui disent, c'est celui qui a le plus mauvais score de discrétion qui lance, parce qu'en fait, ça sert à rien que l'elfe qui est léger comme une plume ben, ne fasse aucun bruit si derrière le barbare en armure de plate il fait un bruit de casserole. Bon, de toute façon, c'est quand même lui qui va faire que tout groupe se fait repérer. Ou alors l'école inverse, un peu plus sympa, on va dire, c'est non, en fait, c'est le meilleur score de discrétion qui jette le dé. En disant, ouais, mais en fait, l'elfe, il va expliquer au barbare où est-ce qu'il doit marcher pour pas faire de bruit, tout ça. Puis t'as une école, encore une autre école, qui a dit, bon, on fait la moyenne, quoi. Puis y a un seul jet de dé, quoi. Quand on fait une partie du jeu de rôle, on n'est plus le jeune homme qui a des problèmes dans ses études, qui n'arrive pas trop, qui a redoublé, qui a des problèmes avec ses parents. On devient un chevalier, on a un pouvoir sur les autres, on a un pouvoir sur la société. Et après, c'est très dur quand on referme son classeur de se dire, voilà, je suis devenu Philippe K, je suis un peu oppressé par tout ce qui m'entoure. C'est vrai qu'il peut y avoir ce phénomène-là. Il y a tout simplement le fait aussi carrément d'avoir l'approche, bon, on limite les jets de dés en fait. On fait les jets de dés que quand c'est vraiment très important et on va gérer beaucoup plus de choses en narratif pur, quoi. Moi j'ai connu des jeux de rôle où pour commander une bière, il fallait faire des jets de dés, quoi. Parce que y a certaines pratiques traditionnelles qui est bah, en fait on demande des jets de dés dès qu'un joueur fait une action, il faut lui demander un jet de dés. Mais en fait, on peut sortir de ce paradigme-là. Oui, bah c'est un peu trop ce qui est, on va dire, caricaturé par exemple justement Rollmaster de cette manière, quoi. Comme quoi, si tu voulais, comment dire, faire un pas, il fallait faire un jet de dés, quoi. Ce qui était, on va dire, un abus, quoi. Mais un gros abus. Ouais, bien Encore, sûr. la Mais manière dont le système comment était. l'idée, c'est que si en incorporant les systèmes légers dans une pratique tradie, c'est de se poser vraiment la question de chaque jet de dé. Est-ce que le jet de dé, il est utile ou est-ce qu'il nous ralentit, quoi? Et donc ça va, peut-être une fois de temps en temps. Bon bah là, vous tombez sur des gobelins. Ouais, vous décidez de les attaquer. Bon bah vous les butez, quoi. Puis vous récupérez tel objet sur eux. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait en tant que MJ, c'est qu'ils récupèrent le trésor des gobelins. Gérer le combat, je m'en foutais un peu, quoi. Ouais, mais là, les joueurs, ils vont dire, ah non, nous, on voulait faire notre combat et tout, on voulait jeter des dés, parce que bon, malgré tout, un plaisir dans le jeu de rôle traditionnel, c'est de jeter des dés quand même. Alors du coup, ce à quoi je vais te répondre, c'est plus accepté, par exemple, quand les personnages ont atteint un certain degré de puissance. Moi, je sais que j'avais fait une campagne comme ça, où il y avait toujours de temps en temps des combats contre des adversaires bien puissants, et là, on se faisait le combat, et il durait 1 heure, 2 heures, tu vois, on y accordait du temps, Mais de temps en temps, il fallait que le personnage tue quelqu'un vite fait dans une ruelle ou fasse certaines actions triviales. Je faisais plus les jets de compétences ou les combats, en fait. Oui, bah ok, tu dis que tu tues ce sous-fifre, bon bah tu le tues, on va faire les jets de dés. On sait très bien que de toute façon, si on les faisait, tu aurais le dessus sur lui sans problème, quoi. Et donc ça, c'est un entre-deux. Je pense qu'il satisfait tout le monde. Alors, les nanogames, comment on peut s'inspirer des nanogames? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on sait écrire des jeux très tradis. En fait, l'avantage du jeu tradis, c'est qu'il porte déjà plein de... Il y a plein de règles qui sont, entre guillemets, connues de tout le monde, que t'as pas obligé de récapituler dans le bouquin. Et donc, à la rigueur, peut-être que je pourrais faire... moi, je vois des nanogames où c'est des jeux de radis, et en fait, la seule chose que décrit le jeu, c'est la création de personnages, en disant, il y a tant de points de création, les compétences, les caracs, c'est ça, ça, ça. Il n'y a rien besoin d'autre, parce qu'en fait, le reste, bon, bah, comment... Puis éventuellement, un paragraphe décrit l'univers, quoi. Mais le reste, en fait, c'est tambouille habituelle, quoi. Voilà quoi. Tout comme on peut avoir la suppression de certaines compétences en disant bon bah allez, il n'y a plus de dans Sombre par exemple à nouveau, il n'y a plus de compétences sociales pour convaincre, bah, c'est du RP quoi. On gère au RP quoi. Donc voilà. Alors, je vais passer à la catégorie suivante parce qu'il ne nous reste que 20 minutes, hein, donc il faut que j'avance un peu. Le jeu de rôle sans méta et le jeu de rôle sans règles. Alors, le jeu de rôle sans méta, c'est une façon de jouer où comment on évite à tout prix de faire des commentaires sur la fiction, et voire même si on peut, on évite de parler de mécanique. Hein. Par exemple, un jeu comme Euphoria in Minima, ou je vais en prendre d'autres, hein, je ne vais pas citer que mes jeux, un jeu comme Qu'est-ce qu'un jeu de rôle de Peter Ravachol, le jeu où on joue des astronautes braqueurs de banque. Comme les règles sont très narratives, eh ben, ça permet d'éviter le méta du genre balance un dé ou alors t'as combien en politique, quel est ton score de charisme, ainsi de suite, quoi. Et donc, le jeu de rôle sans méta, il a l'avantage en fait d'être très immersif. Parce que, grosso modo, la conversation est uniquement fictionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de commentaires. Dans le jeu sans méta, t'es pas censé faire des blagues sur les personnages, quoi. De même que comme tu cites pas de chiffres, on voit jamais les coulisses. Et on a le jeu de rôle assez proche de ça. On a le jeu de rôle sans règles. Où là, du coup, il n'y a pas de méta, mais il n'y a pas non plus de règles. Donc, alors, ou alors, souvent, c'est des règles minimales. Moi, j'ai fait des expériences. J'ai fait un jeu de rôle sans règles. En fait, c'était du système zéro. C'est-à-dire que moi, j'étais MJ, et puis je disais ce qui se passait en fonction de ce que faisaient les joueuses, quoi. Et puis, j'ai fait une expérience plus récemment qui était, il n'y avait pas de MJ ni une joueuse. Les seules règles, c'était on dit toujours oui. Sauf si on est dans l'inconfort, et dans ces cas-là, en cas d'inconfort, on aura à dire non. Et en fait, déjà, ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte que c'est possible de jouer comme ça. C'est tout à fait possible. Bon, ça a été permis, je pense, parce que j'avais l'univers de Milvaux, donc j'avais quand même un univers qui était une base, quoi. Mais ça fonctionne. C'est même pour le coup les deux parties que j'ai faites. Bon, la partie où je jouais en système zéro, c'était assez exigeant pour moi en tant que MJ. Vraiment devoir tout arbitrer sans avoir ni règles ni table. La contrainte que je m'étais faite aussi, c'était d'avoir aucune table aléatoire, tu vois, d'avoir aucune préparation. Il fallait que j'improvise tout. C'était assez physique, hein, en fait. Par contre, la partie où on disait toujours oui, donc là, il n'y avait pas de personne avec personnage attitré. En fait, le contrôle, tu pouvais avoir le contrôle sur tout ce que tu voulais, quoi. Sauf quand quelqu'un. Mais alors, on a le droit de dire non. Par exemple, si je dis je sais pas, je vais dire un truc affreux, mais mon personnage viole ton personnage. Si t'es comment, si t'es inconfortable avec cette idée, bah tu dis non, quoi. Mais la plupart du temps, tu dis oui pour privilégier la fluidité du truc. Y compris si je dis des trucs sur ton personnage. Je dis, ah, au fait, ça fait comment ton personnage est schizophrène. Il y a des voix qui lui parlent dans sa tête. T'es censé dire oui, sauf si vraiment t'as un inconfort à jouer un schizophrène ou que tu trouves que ça. On a déjà raconté beaucoup de trucs bizarres et que t'as pas envie qu'on rajoute la schizophrénie par-dessus, quoi. Ces deux formes de jeux de rôle, moi je trouve qu'elles ont le jeu de rôle sans méta, le jeu de rôle sans règles ou presque sans règles, elles ont l'énorme avantage en fait de nous focaliser sur la fiction. Nous focaliser sur l'imaginaire, quoi. Donc du coup, on a une immersion qui est vraiment forte, et de deux, c'est très rapide, c'est très fluide en fait. C'est-à-dire que. Ouais, tu joues en 1 heure et demie, t'as l'impression d'avoir joué ce que tu fais d'habitude en 4 heures, quoi. Tout à fait ça. C'est vrai que parfois les mécaniques, le système de résolution, c'est ça qui fait la durée de la partie, quoi. Alors que la partie, non, l'intrigue en tout cas et l'échange en lui-même, qui pourtant doit être prépondérant, ne prend pas, on va dire, un temps fou, quoi. Il permet, on va dire, de progresser énormément, beaucoup dans l'échange Ouais. et dans la résolution de l'intrigue. Donc là, les choses qu'on peut retenir, c'est on va comment si on veut appliquer ça en jeu de rôle tradit, on peut limiter le méta, par exemple en interdisant les commentaires. Bah comme par exemple dans Sens, quoi, avec le système de points d'immersion. Voilà, exactement, hein. Donc du coup, c'est un bel exemple que tu donnes là. Si je fais une blague hors jeu, je me prends un mauvais point. Bon, on peut être un peu moins infantilisant et juste dire, on se met d'accord pour pas faire de commentaires, tu vois, sans pour autant punir la déviance, quoi. Ça peut être de dire, bah effectivement, on fait pas de commentaires sur la règle. Dans le sens, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire un truc, c'est que le premier qui explique la règle a raison, tu vois. Dans le sens où tu vas pas contredire ton MJ si tu as dit, tu sais, par exemple, dans l'appel de Cthulhu, il y a plusieurs compétences sociales qui sont assez recouvrantes. Il y a baratin, persuasion, et je crois qu'il y en a encore une troisième. Bah, si le MJ te dit que là, tu dois faire un jet de baratin, même si tu penses que c'est pas la bonne compétence, tu moufes pas, tu fais ton jet de baratin, parce qu'en fait, ça prend du temps de négocier, dire ah non, non, j'ai plutôt une persuasion là. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que tu penses que c'est vrai ou parce que tu as un meilleur score en persuasion? Et ainsi de suite, tu vois, on peut négocier longtemps. Généralement, je tranche assez, hein, c'est meilleur, point barre. Parce que Voilà. je considère qu'à chaque fois, le joueur va. Enfin, personnage va utiliser, on va dire, la meilleure de ses compétences pour arriver à ses fins. Et il est Mais tu vois, persuasif. en fait, dans le jeu sans méta, tu dis, ok, bah, prends persuasion, tu as effectivement ton critère de choix, mais tu ne dis pas ton critère de choix. Tu perds pas de temps à dire, Oui, à bon, justifier. je t'autorise persuasion parce que c'est ta meilleure compétence. Non, tu dis, bon, fais ton jet de persuasion, parce qu'en fait, c'est presque un petit peu gérer la technique, il faut l'expédier, quoi. Dans le jeu de rôle sans méta. Hein. Et ça veut dire que le MJ ne justifie jamais ses choix. Ça veut presque dire, hein, il vaut mieux balancer un mur invisible ou un Deus Ex Machina que de dire, ah ben là, ce serait sympa que vous fassiez ça pour le scénar, tu vois. Ou il veut mieux, ou presque même dans le jeu sans méta, il vaut mieux presque jeter son scénar aux orties plutôt que de devoir balancer une explication, plutôt que de devoir faire un recadrage méta pour qu'on aille dans le scénar, quoi. Et le jeu de rôle sans règles, ça veut dire que je pense qu'on peut faire des breaks. Moi, ça m'est arrivé de faire au cours d'une campagne où il y avait beaucoup de GD d'habitude, une séance entière où c'était que du roleplay, quoi. Pareil, on dit voilà, le système de résolution là, il est pas pertinent, quoi, c'est tout. Dans ces deux cas, comme dans ceux que nous allons voir ce soir, ces jeunes s'identifient à des personnages imaginaires au cours de ce que l'on appelle les jeux de rôle. Ou alors, ça veut dire dégager certaines règles dont l'intérêt est finalement assez limité. Par exemple, il y avait Sidon Fan qui expliquait, ah, bah, la dernière fois, j'ai joué à Loup-Garou. Et puis, comme j'étais un peu rouillé dans les règles, on a mis, je sais plus s'il a dit, on a mis une demi-heure à tirer les initiatives. Eh ben là, peut-être qu'on dirait, soit on simplifie vachement l'initiative en disant, par exemple, dans le premier Donjon et Dragon, et ça m'a vachement, je trouve ça génial en fait. Dans le premier Donjon et Dragon, il y a les monstres jettent un D6, les aventuriers jettent aussi un D6, et c'est le meilleur score qui commence. Donc, si les monstres ont gagné, on joue tous les monstres d'un coup, dans l'ordre qu'arrange le MJ, et puis ensuite, on joue tous les aventuriers d'un coup, dans l'ordre qu'arrange les aventuriers. Bon, ça veut dire que, bon, c'est peut-être plus du système léger, mais bon, grosso modo, c'est. Même mieux, il y a le Si système de une temps. règle n'est pas. Comment. En fait, on calcule un petit peu le ratio intérêt de la règle par rapport au temps qu'elle prend à traiter. Et Dans si le ratio est mauvais, on dégage la règle ou on la simplifie drastiquement. le même esprit, il y a le parti pris, comment dire, de Dungeon World, qui est en système Apocalypse World aussi, hein, c'est du Medfan sous Apocalypse, où là, carrément, c'est priorité à celui qui déclare son action. Point barre. Et voilà, je déclare que j'attaque, donc c'est moi qui ai l'initiative. Un point, c'est tout. Ouais, c'est une façon de jouer sans initiative, ouais. Ou avec une initiative, on va dire, qui est prépondérante par rapport à celui qui agit, ou Ouais. qui narre qu'il agit, on va dire. Ouais, tout comme dans. Je crois qu'il y a un truc un peu équivalent dans. Ah merde. Sword with Vote Master, où en fait le MJ il décrit ce que font les monstres et tout, et à tout moment en fait les personnages peuvent réagir quoi. Et s'ils réagissent pas à temps, le monstre dit je te donne un coup d'épée, et si tu réagis pas à temps, tu peux plus lancer les dés. Une fois que le MJ a décrit que tu te faisais couper le bras, c'est trop tard pour dire je lance les dés pour empêcher ça quoi. C'est avant qu'il fallait avoir dit quoi. Là, c'est quand même plus. C'est une gestion de l'initiative qui est proche du jeu sans règles, quoi. Ensuite, on a les jeux solo. Alors là, je vous renverrai au podcast sur le jeu de rôle solo qui a été fait par des Rôlistes dans la cave. Très drôle d'ailleurs. Ouais. Et assez proche de ça, on a les jeux dont vous êtes le héros. Et les jeux expérience de pensée. Alors, les jeux expérience de pensée, c'est du genre. Le jeu te dit tu vas dans le métro, alors tu vas vraiment dans le vrai métro quoi, et tu t'imagines que tous les comment que tous les passagers du métro sont des espions. Ou tu te balades en forêt et t'imagines qu'il y a des monstres dans la forêt ou au contraire des gentils esprits. Tu vois, tu fais des expériences de pensée. Il y a un jeu de rôle comme ça, oui, c'est Lettres des Abysses, je crois, qui est un jeu de rôle épistolaire, où Ouais. justement, où là, ça mélange à la fois, on y reviendra après, je pense, sur le jeu de rôle épistolaire, et aussi le jeu expérience de pensée, où on doit décrire justement un monde, on va dire, dans lequel on est voilà, cerné par des. C'est très cultuien, hein, dans l'esprit, où on est cerné par des monstres, justement, et. Où la réalité est horrible et on doit la décrire horrible dans des lettres bien pensées, bien écrites. Alors, ces formes de jeu, en fait, elles peuvent être récupérées en jeu narratif, en jeu tradit déjà, parce que ça réhabilite le jeu avec un seul personnage. Moi, je sais que j'en ai beaucoup fait, en fait, hein, avec ma sœur notamment. Parce que souvent, dans le jeu tradit, dans l'ADN du jeu tradit, on dit il y a plusieurs personnages, voire même 3 ou 4 minimum, quoi. Alors qu'en fait, non, pas obligé. En plus, c'est vrai que des fois, moi je m'entends rétorquer, ouais, mais s'il n'y a qu'un seul personnage, il va rater l'aventure, quoi. Il va pas être assez fort. Mais je veux dire, on n'a qu'à équilibrer pour qu'un seul personnage suffise, quoi. Des jeux de rôle qui jouaient très très bien, des jeux de rôle tradis qui jouaient très bien en solo, hein, bah James Bond en particulier. Ouais, ça me paraît assez logique d'ailleurs. Et quelque part, c'est même James Bond à plusieurs, ça paraît étonnant. Un groupe vrai d'espions, c'est quand même plus rare. Hein. Ça joue, les deux se jouent, hein. C'est juste Ouais, c'est qu'en déjà, c'est plus. solo. Tu commences à sortir du canon, James Bond, quoi. Voilà, c'est clair. Je pense que les expériences de pensée, ça peut être un peu des devoirs de vacances que peut demander le MJ à une joueuse entre deux parties, quoi. Ça peut être, par exemple, ben, pendant la nuit, ton personnage fait un cauchemar. Donc tu donnes des petites bases et donc pendant que je fais jouer les autres qui montent la garde, toi tu commences à triper sur ton cauchemar et puis après tu nous raconteras. Ou sur le principe du jeu de rôle solo, moi j'ai fait des expériences comment eh bien écoute, je gère un groupe qui est sur une telle mission, toi ton personnage il part en mission tout seul. Sur tel truc, et en fait, vas-y, raconte-moi, tu réfléchis à comment ça se passe, et puis quand je reviendrai sur toi, tu me raconteras comment ça s'est passé ta mission. Donc ça fait un petit peu penser à Beloved de Ben Lehman, où tu joues un chevalier à la recherche d'une princesse. Éventuellement, du coup, si on s'inspire de Beloved, peut-être que la MJ laisse pas la joueuse imaginer toute la mission d'un seul trait, mais qu'en fait, elle va diviser la mission en 2-3 étapes. Et à chaque étape, en fait, la joueuse dit bah, ma première étape s'est passée comme ça. Et là, le MJ, oui, mais il s'est passé tel truc que tu n'avais pas, qui était imprévu, c'est ça. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et ainsi de suite. Donc là, ça peut être incorporé dans du jeu tradi. Le jeu dont vous êtes le héros, alors déjà, il nous apprend pas mal de choses. Il y avait la conférence de Christophe. Au colloque universitaire, ce jeu de rôle, il parlait des jeux dont vous êtes le héros, et il disait qu'il y avait une structure idéale pour une aventure dont vous êtes le héros. Et on pourrait, en fait, tu peux écrire ton jeu dont vous êtes le héros en arborescence totale, c'est-à-dire qu'à chaque page, tu as deux choix possibles, et qu'en fait, les différentes branches ne se rencontrent plus jamais, quoi. C'est-à-dire qu'au final, tu vas avoir que, en fait, genre 40 histoires différentes. Et en fait, il avait tendance à dire que ça, c'était pas la trame idéale pour un jeu dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que la trame idéale, c'était plutôt un fuseau. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, les chemins se séparent en fonction des choix du joueur. Mais en fait, après, les chemins peuvent se rejoindre avec l'idée qu'une fin possible ou alors 3-4 fins possibles, mais pas 40, quoi. Et en fait, ça, c'est un vrai truc qu'on peut récupérer dans la façon de scénariser du jeu tradi. Déjà parce que écrire un scénario en fuseau, en arborescence, que ce soit pour du jeu tradi ou du jeu dont vous êtes le héros, c'est juste un boulot d'enfer, quoi. Si les PJ font ça, il va plutôt se passer ça. S'ils font ça, il va se passer ça. Et à chaque fois, à chaque embranchement, tu dois avoir au moins deux solutions différentes, si pas plus. Et puis surtout, c'est vrai que du coup, t'as pas une trame globale, quoi. Donc, tandis que si tu permets aux embranchements de se rejoindre, eh bien, tu peux amener un récit type en quelque sorte, quoi. Et puis, sans doute, peut-être aussi valoriser un peu plus les choix des joueuses, dans le sens où finalement, s'il y a 40 histoires différentes, peut-être que les 40 histoires se valent, quoi. Mais à la rigueur, ce qu'on peut piquer aussi du jeu dont vous êtes le héros, ça c'est un peu conceptuel, mais c'est le fait que dans le jeu dont vous êtes le héros, c'est fait pour être joué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une structure en fuseau, plutôt qu'une structure en arborescence, parce que c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est de retrouver les mêmes checkpoints, mais y arriver dans un état différent, quoi. Et on pourrait se dire, bah, pourquoi pas faire des scénars tradis qu'on peut rejouer, quoi. Il y avait un scénar Feng Shui dans un vieux casus belli où tu jouais une boucle temporelle, en fait. Mmh. C'était une sorte de jour sans fin, mais version action hongkongaise, quoi. Voilà. Tu rejouais, grosso modo, tu rejouais une scène de. Tu rejouais un scénar assez bastonneux jusqu'à réussir à réussir parfaitement le scénar, quoi, à comprendre parfaitement. Et seulement quand tu avais réussi parfaitement le scénar, la boucle se terminait, quoi. D'ailleurs, on va y revenir quand on va évoquer Time Stories. Justement, oui. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fasse deux parties. Ouais, alors, effectivement, on est loin d'avoir terminé, donc je pense qu'on va vous quitter là, Et puis, on va se refaire un petit enregistrement plus tard, pour finir, quoi.